Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la naissance d'Hydro-Québec. C'est le seul édifice qui porte le mot Québec avec Hydro dessus, évidemment. Le mot Québec parmi les grands buildings du cœur de la ville, je trouve que c'est symbolique. Ça symbolise d'une façon éloquente les choses que nous avons à faire et ce qui nous attend encore comme travail dans le domaine des richesses naturelles. René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles dans le gouvernement libéral de Jean Lesage, parle avec fierté du nouveau siège social d'Hydro-Québec au centre-ville de Montréal à l'occasion de son inauguration en juin 1962. Quelques mois plus tard, à l'élection de novembre 1962, le gouvernement Lesage sera réélu avec le mandat de compléter la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Cette fierté que porte René Lévesque à l'endroit d'Hydro-Québec sera bientôt partagée par l'immense majorité de la population pour qui la société d'État va incarner la construction du Québec moderne et la prise en main par la majorité francophone du Québec de son destin économique. Mais quand et dans quel contexte est donc né Hydro-Québec? C'est à cette question, entre autres, que nous répondrons dans cet épisode d'Aujourd'hui l'Histoire. En 1936, M. Duplessis, l'Union nationale, il se promenait à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trust de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trust de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power, de la Southern Canada Power, de la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec tant de piété quelques mois auparavant, à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. Et puis, malheureusement, l'Union nationale, comme vous savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, eh bien, le monopole de l'électricité, il a pu continuer. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Lionel Groulx, notre historien, puisse déclarer, il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Lesage quand il dit « L'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». À nouveau, René Lévesque, au cours de la campagne électorale de novembre 1962, cette fois, pour nous raconter le contexte dans lequel va naître Hydro-Québec, je reçois Stéphane Savard, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre « Hydro-Québec et l'État québécois ». Stéphane Savard, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Création d'Hydro-Québec, donc, en 1944, mais l'idée de créer une société d'État est beaucoup plus vieille. Ça commence dans les années 30, cette idée-là, dans quel contexte? Oui, tout à fait. D'abord, on est dans le contexte de la crise économique des années 30, la plus grande crise économique de tout le 20e siècle. Alors, c'est la crise du capitalisme, en fait, tant aux États-Unis, au Canada anglais. Et l'échec même, du capitalisme. L'échec, tout à fait. Et on le perçoit comme un échec et on tente de le réformer. Donc, plusieurs groupes vont militer, entre autres, pour lutter contre les trusts. Donc, les trusts deviennent un peu Cet ennemi à abattre, ce cancer du capitalisme. Au Québec comme au Canada, comme aux États-Unis, hein, il y a ce mouvement-là, continental. Ah, tout à fait, un mouvement continental, mais au Québec, il est particulièrement fort parce que, entre autres, dans le domaine de l'hydroélectricité, il n'y aura pas eu de nationalisation avant ces années-là. Donc, contrairement à l'Ontario, par exemple, où ça se fait en 1906-1907. Oui. Donc, la lutte contre les grands trusts au Québec va assez vite cibler ce secteur-là, en particulier l'électricité. Il y a une figure qui va être très importante aussi dans cette lutte-là. Il y en aura quelques-unes, mais la figure du docteur Philippe Hamel va être importante dans cette lutte contre le trust de l'électricité. On écoute à nouveau René Lévesque décrire justement le contexte de cette lutte contre le trust de l'électricité dans les années 30. René Lévesque, il va d'ailleurs dans cet extrait d'une citation. Il commence par ça, d'une conférence, justement, prononcé par Philippe Hamel au début des années 30. Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole? Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation, On vous insultera. On répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes. Ça c'est tout individu qui dénonce avec des arguments irréfutables les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, hein? Agitateur, communiste, etc. Le vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui s'organisent pour nous exploiter tranquillement. Ça ressemble beaucoup à Point de mire, ce qu'on vient d'entendre, mais il faut le rappeler, c'est René Lévesque qui tourne un message publicitaire, un petit film, pour en pleine campagne électorale, oui. En 1962. Qu'est-ce qui se passe en 1933? Quel rôle va jouer, par exemple, le docteur Philippe Hamel dans cette lutte contre le trust de l'électricité au Québec? Bien, Philippe Hamel, il est au cœur d'un mouvement, en fait, qui va mener, entre autres, au programme de restauration sociale, qui préconise en fait un programme économique pour réformer le capitalisme. Et parmi ce programme-là, donc, l'idée de la nationalisation de l'électricité ou encore de la municipalisation de l'électricité. Donc, Philippe Hamel prône davantage une nationalisation, mais on a des figures comme Télesphore, Damien Bouchard qui vont aussi... T.D. Bouchard. Ouais. Pour le Parti libéral, non pas pour le programme de restauration sociale, mais vont militer, lui, pour un programme de municipalisation de l'électricité. Ouais. Mais Philippe Hamel est au cœur de ces mouvements-là. Il est de toutes les batailles tout au long des années 30. Et pour lui, l'électricité, c'est un bien essentiel. C'est ouais. pour ça que c'est si important que son coût soit raisonnable pour tous les citoyens en période de crise ouais. économique. Puis il essaie de convaincre les politiciens de faire quelque chose. Sont les libéraux à ce moment-là qui sont au pouvoir. C'est Louis-Alexandre Taschereau qui est premier ministre du Québec. L'insatisfaction, bon, le travail que font ces gens, là, c'est ceux qui veulent qu'on s'attaque aux trusts d'électricité, rajouté à l'insatisfaction très, très grande, à Montréal en particulier, face aux politiques de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated, font que Taschereau n'a pas le choix. Il crée une commission en 1934. Qu'est-ce que ça va donner, cette commission-là? La commission Lapointe. Oui, d'ailleurs, la commission Lapointe. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, en fait, la commission Lapointe va prendre une année pour produire un rapport. Et dans ce rapport-là, on se penche sur les tarifs de l'électricité dans la région de Montréal. Qu'on juge trop élevé. Qu'on va juger trop élevé. On va se pencher sur l'idée de la nationalisation ou sur l'idée de la municipalisation. Finalement, quand le rapport arrive dans les mains du gouvernement Taschereau en 1935, l'idée d'une municipalisation de l'électricité ou d'une nationalisation de l'électricité est complètement écartée. Ouais. On reconnaît que les tarifs sont trop élevés, mais on va recommander la création d'une régie de l'électricité pour essayer de contrôler les tarifs le mieux que possible. Ouais. Alors finalement, cette commission-là, elle ne répondra en aucun cas à toutes les demandes, à toutes les pressions des différents groupes, dont Philippe Hamel. Mais la bataille n'est pas terminée parce que suit la campagne électorale de 1936 et au cours de cette campagne électorale, la question de l'électricité va s'inviter. Avec quel résultat? Bien, écoutez, d'abord, c'est l'Action libérale nationale. Philippe Hamel est derrière l'Action libérale nationale. René Chaloux, un député aussi nationaliste très important, qui vont s'associer au Parti conservateur pour former en 1936 l'Union nationale. Mais dès 1935, alors que l'Action libérale nationale est un parti seul, vont militer pour l'idée, justement, de nationaliser les ressources hydroélectriques non concédées encore. Oui. Donc, en 1936, en s'associant avec le Parti conservateur pour former l'Union nationale... Et M. Gouin, en fait, là, qui dirige... Paul Gouin, tout voilà. à fait, avec Maurice Duplessis, vont s'associer ensemble dans un nouveau parti, l'Union nationale. Prennent le pouvoir. Vont prendre le pouvoir, mais rapidement. Tout le programme politique qui est issu du programme de restauration sociale que l'Action libérale nationale avait amené devant l'électorat. Oui. Alors, tout ça, Duplessis va l'écarter. Ça, c'est le côté progressiste là, qui prend le bord, comme on dit. Ben, c'est un progressiste de l'époque, hein. Il faut comprendre. C'est un, disons que c'est un progressiste plus économique, mais non pas social. Ouais. Mais oui, tout ça, ça va prendre le bord. Et ce que Duplessis va faire en 1937, va créer le Syndicat national de l'électricité, qui va régler en partie le problème dans une région nordique de l'Abitibi, Témiscamingue. Donc, ça, c'est une espèce d'entreprise d'État pour mettre en place des barrages et contrôler la distribution d'électricité en Abitibi-Témiscamingue. Donc, un petit geste, mais c'est vraiment très, très timide parce qu'il était un peu pris avec ce mariage qu'il avait contracté. Il y avait un discours, il y avait des engagements. Donc, il crée une espèce de... Enfin, presque une coquille vide, une petite entreprise d'État qui s'occupe d'électricité. Mais dans la loi de l'entreprise d'État, le Syndicat national de l'électricité, il est possible d'aller nationaliser d'autres compagnies ou encore d'aller s'étendre en dehors de l'Abitibi. Ouais. Mais il ne le fera pas. D'accord. Mais la brèche, elle est là techniquement. En 1939, le gouvernement de Maurice Duplessis est défait par les libéraux. Ce sont les libéraux et leur chef Adélard Godbout qui prennent le pouvoir. Et c'est vraiment sous ce gouvernement d'Adélard Godbout que là, ça va décoller avec la création d'Hydro-Québec en 1944. Dans quel contexte est créé Hydro-Québec en 44? Oui. Mais d'abord, depuis 1938, que le Parti libéral promet d'essayer de régler la question de l'électricité et des tarifs. Alors, dès le congrès du Parti libéral en 1938, ne promet pas la nationalisation de toute l'électricité, mais promet du moins de créer une entreprise publique et d'y accoler les ressources non concédées. Mm-hmm. En 1939, durant la campagne électorale, Godbout va commencer à s'attaquer à la Montreal Light, Heat and Power plus directement. En 1941, en faisant pression sur la Montreal Light, Heat and Power, le gouvernement Godbout va voter une loi qui lui permet d'exproprier la Montreal Light, Heat and Power. Alors là, on comprend qu'il y a tout un jeu de coulisses pour essayer de faire baisser les tarifs. Ça ne marchera pas. Les dirigeants de la Montreal Light, Heat and Power ne croiront pas à cela. Et donc, en 1944, en avril, à la fin de son mandat, parce que l'élection s'en vient à l'été 1944, à la toute fin de son mandat, le gouvernement Godbout va voter la loi qui crée la Commission hydroélectrique de Québec et qui nationalise donc la Montreal Light, Heat and Power. Ouais. C'est la première. C'est important parce que je reviens aux extraits qu'on entendait de René Lévesque. Dans les années 60, il y aura cette grande nationalisation qui est encore présente dans nos mémoires, mais au fond, qui est la deuxième phase de nationalisation. C'est Godbout, en 44, qui, pour ce qui est de Montréal et du Grand Montréal, procède à la première phase de nationalisation pour ce qui est de la Montreal Light. C'est ce qui se passe là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Évidemment, le problème pour les tenants, ceux qui veulent aller au bout de cette nationalisation, c'est que le gouvernement Duplessis va être réélu. L'Union nationale reprend le pouvoir en 44. Quel impact ça a, ce retour au pouvoir de Maurice Duplessis sur Hydro-Québec? Mais d'abord, c'est l'insécurité totale. Duplessis, c'est celui qui, durant les débats lors de la loi créant Hydro-Québec, a dit que cette loi-là, c'était une loi bolchevique. Que la Hydro-Québec, ou la Commission hydroélectrique de Québec, c'est une commission hydro-électorale. Alors, il accusait le Parti libéral de vouloir faire du millage en vue des élections. Quand Duplessis arrive au pouvoir, il va même également dire que Hydro-Québec ne devrait pas procéder à l'électrification rurale. Ouais. Parce que le gouvernement Godbout avait dit « on crée Hydro-Québec ». C'est dans la région de Montréal, mais Hydro-Québec va avoir le pouvoir de contribuer, d'aider, de faire l'électrification rurale des campagnes, donc en dehors de Montréal. Parce qu'il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Bien, tout à fait. Dans les années 1940, le Québec est même un petit peu en retard par rapport à l'électrification rurale. Duplessis dit non, c'est pas Hydro-Québec qui doit faire ça, ce sont des coopératives d'électricité dans les différents milieux ruraux qui devront procéder à l'électrification rurale. Alors, enlève ce mandat-là à Hydro-Québec. dès 1945 avec une nouvelle loi. Alors, c'est l'insécurité totale. Oui. Il y a quand même l'électrification qui se fait en région rurale, mais encore une fois, sciemment, Duplessis ne veut pas que ce soit Hydro-Québec qui s'occupe de ça. C'est une structure parallèle, au fond, qu'il crée. Malgré tout, ce gouvernement-là finit par réaliser que Hydro-Québec, ça peut être un instrument de développement régional intéressant sur le plan économique, entre autres, ce qui fait que c'est timide, mais on va commencer à autoriser, Stéphane Savard, quelques projets de centrales, en Abitibi surtout. Bien, en Abitibi, l'État autorise Hydro-Québec à construire un barrage, le barrage d'Ozois, et même en 1950, l'État va autoriser Hydro-Québec à prendre possession des actifs du Syndicat national de l'électricité. Oui. Alors là, Hydro-Québec sort de sa coquille montréalaise. Oui, tout à fait, en 1937. Oui. Donc, Hydro-Québec sort de sa coquille montréalaise et commence donc à aller dans les régions plus directement. On avance et il y aura comme un déclic au début des années 50. C'est toujours le gouvernement Duplessis, évidemment, qui est en place. Mais il y a comme un déclic qui se fait par rapport au potentiel de développement hydroélectrique que possède le Québec et par rapport au rôle que pourrait jouer Hydro-Québec dans ce développement du potentiel hydroélectrique qu'on a ici. La Bourne-Loin, lorsque les travaux seront complétés, produira une quantité énorme d'énergie électrique. L'énergie électrique est un facteur incomparable au point de vue terrestre de progrès matériel et de prospérité continue. Et la province de Québec a été dotée de façon toute particulière de cette richesse naturelle. Et nous avons plus que 10 fois d'énergie électrique des États-Unis. Nous avons dans la province de Québec des ressources naturelles en abondance. Nous avons un peuple avec des talents particulièrement remarquables et variés. Tout cela, nous le devons à la Providence. Elle a fait les 2/3 du chemin, ayant l'énergie humaine supérieure à l'énergie électrique de faire l'1/3. Maurice Duplessis, lors de l'inauguration de la phase 2 de la centrale Beauharnois, on est en août 1951. C'est également en 1951, Stéphane Savard, que le gouvernement Duplessis va favoriser, c'est pas rien, Hydro-Québec par rapport à la puissante Shawinigan Water and Power dans un projet de barrage sur la Côte-Nord. Qu'est-ce qui se passe? On entend une transformation, un déclic tout à coup. Duplessis qui réalise qu'il y a un potentiel important et que ce potentiel-là devrait être géré par Hydro-Québec. Bien, Duplessis est devant un problème, en fait. Hydro-Québec, en fait, la région montréalaise a besoin d'électricité. Hydro-Québec est pris dans la région montréalaise. Donc, elle n'a pas d'autres ressources hydroélectriques. Ça ne suffit pas pour alimenter Montréal. Pas du tout. Voilà. Plus au début des années 50. Et on prévoit que la demande va doubler. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la possibilité de permettre à la Shawinigan Water and Power de vendre encore plus d'électricité à Hydro-Québec. Ou encore de permettre à Hydro-Québec de sortir, une fois de plus, de la région de Montréalaise et d'aller toucher les ressources hydroélectriques non concédées. Comme en 1951 avec la rivière Bercimis, une grande rivière sur la Côte-Nord, la Shawinigan voulait cette rivière-là, voulait avoir les droits hydrauliques dessus, parce qu'elle aussi, elle est prise, la Shawinigan Water and Power, dans sa région. Ouais. Alors, elle n'a plus vraiment d'autres ressources hydroélectriques aussi à harnacher. Et finalement, le gouvernement Duplessis va dire non, c'est Hydro-Québec qui peut faire ça. Ça, c'est un virage important. Ah, c'est tout un virage, mais il voit bien que ça lui permet de contribuer au développement régional de la Côte-Nord, mais aussi de la Gaspésie. On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que le projet Bercimis lui permet de faire une ligne souterraine à haute tension pour aller électrifier sous le fleuve. La Gaspésie, sous le fleuve. Oui. Donc, ça commence, les développements sur la Côte-Nord. Là, c'est parti. La machine est partie. Ça va se multiplier. Et au fond, on va voir dans les années 50, sous le gouvernement Duplessis, les prémices en termes de capacité technique, en termes de longueur de ligne de transport, le fameux Hydro-Québec qu'on a en tête, là, qui va se développer plus après la nationalisation de 62, qui va donner ses grands projets dans les années 60-70, ça commence dans les années 50. Et cette expertise-là, elle se développe dès les années 50. Ah, tout à fait. Les premières lignes à haute tension de 450 000 kV, c'est Hydro-Québec qui va les faire sous Duplessis. Alors, partent de la Côte-Nord jusqu'à Montréal. La région de Montréal a besoin d'énergie pour l'industrialisation et tout. Alors, ces lignes à haute tension sont essentielles pour pouvoir faire un grand complexe hydroélectrique comme celui de la Bersimis. Et Duplessis va en profiter, va montrer que le Québec est à la fine pointe de la technologie avec ces lignes à haute tension qu'Hydro-Québec va créer, mais aussi le barrage, les deux barrages de la Bersimis, les deux centrales de la rivière Bersimis qui seront ouais. construites. Ça aussi, Duplessis va l'utiliser. C'est intéressant parce qu'au fond, on a entendu trois extraits de René Lévesque dans cette émission. Puis c'est vrai que dans notre mémoire collective, on a l'impression qu'Hydro-Québec, ça commence dans les années 60. Ça commence en 44, mais ce que je réalise en vous écoutant, c'est que même sous Duplessis, qui évidemment n'est pas du tout favorable au développement d'Hydro-Québec au début, il y a quand même des bases solides qui vont être posées sous ce gouvernement-là, le gouvernement Duplessis. Vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'une des raisons qui explique cela, c'est non seulement le fait que Duplessis se rend compte qu'Hydro-Québec et que donc que l'État peut intervenir plus activement dans un domaine économique comme celui de l'hydroélectricité, parce que ça lui permet de favoriser l'industrialisation et le développement régional, mais aussi au sein même d'Hydro-Québec, il y a des individus bien placés, des commissaires, qui se font entendre et se font écouter de la part du gouvernement Duplessis et qui savent où Hydro-Québec doit aller dans les ouais. prochaines années. Parlons quand même de cette ère nouvelle qui va s'ouvrir avec l'élection des libéraux en 60, puis surtout leur réélection en 62. Je ne sais pas dans quelle mesure, quand ils prennent le pouvoir en 60, ils savent ce qu'ils vont faire deux ans plus tard. Mais en tout cas, quelle importance a cette élection référendaire de 62 pour ce que va devenir Hydro-Québec? Ah, ça, c'est un... L'élection référendaire de 62, c'est un point tournant majeur. C'est pas l'élection de 1960, le point tournant. C'est vraiment celle de 1962. Où la nationalisation devient l'enjeu de la campagne électorale. Exactement. Ouais. Parce que là, Hydro-Québec atteindra des nouveaux sommets. Avant 62, Hydro-Québec va lancer le complexe Manicouagan-Outarde sur la Côte-Nord. D'ailleurs, c'est le gouvernement Duplessis qui va réserver les ressources de la Manicouagan en 1956 à Hydro-Québec pour le faire. Oui. Le projet se lance en 1959. En 1961, sous le gouvernement Jean Lesage, Lesage va dire Hydro-Québec reçoit toutes les autres ressources des rivières non concédées, sont gardées à Hydro-Québec. Mais vraiment, en 1962, quand le gouvernement Lesage reçoit le mandat du peuple pour la nationalisation presque complète... Oui. de l'hydroélectricité. Là, ça va permettre à Hydro-Québec d'abord d'intervenir dans toutes les régions du Québec et ça va permettre à Hydro-Québec de devenir un bras droit important de l'État dans les politiques nationalistes qui vont s'en suivre, économiques, les politiques économiques nationalistes qui vont s'en suivre. Stéphane Savard, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre Hydro-Québec et l'État québécois, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça me fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.